Bienvenue dans mon monde rempli de claps, de basses, c'est ça qui passe, passe. Tape ta boîte, tes boîtes, le mic, tes potes, offre ton. Je démonte, démonte, et j'ai ma mère sur n'importe quel beat, n'importe quel titre, n'importe quel top. Car je peux devenir un hit, le style est hot, le style est note, mon style est pop, ne me compare pas. Ça fait de big, je vais bientôt tout parler qu'on ne parle pas. T'es les gens comme tu parles, les bons ne restent pas. Tato, F-A-I-K-O-T-I-Z-O-N-R-E-C-O-R-D-Z-M-T-Z, on s'en bat vos haines, on aspire la capoche, pleine de rimes, respect aux anciens. Toujours mes idées, bouffe pas les types, change tous les entiers. Bouffe ça, je la mets, oh. Dans ce domaine, j'te micro. Nouveau flow hardcore, numéro 1 au-dessus du niveau. J't'ai boulé, débile, des balles à la bonne, air habile, elle est bonne. Donne, con, shoot comme ta meilleure. Bouffe mes textes, que tu l'ouvres ta bouche quand il faut s'taire. Quoi t'as pas compris, fais pas le gangster. Tu pars de piste, tu pars de misère. Bouge, te pars de piste, je te pars de pêche, je te pars de billets. J'ai donc t'as oublié, te stop, t'es oublié. Tu te manges une balle, tu frimes, toi tu fais pas tailler. Je souffre comme la tempête, ça sent la réchauffe. Là-dessus, je m'échauffe, je reste en tête. Pas trop de PR, les traîtres au-dessus de leur sur la machette. Personne m'achète, mais pas comme Brolic, toujours un doigt sur la cachette. Yeah. Le dog dans la partie, aucun compromis, bouge ta tête de Cali à Bali. Lyrics au kilo, mon flow sous micro. Maria à Colo, Lagnac au micro. Sauf la différence, ne laisse jamais indifférent. Je vois que tu perds de la distance, secret défonce, premier avertissement. Un chaos, nouvelle méthode, nouveau mélange. Jamais en crise, toujours hardcore, parce qu'un autre change. Je crache pas sur le tas, je rechigne jamais à la tâche. Fini de rouler pour le cash, moi je le pisse et je le recrache. On est sous un tas, prod dur comme du rock. Un coup de poche qui te scotche, 3000 dans mon stock. Mon bloc, le sabot. 57-3-0, mais Side Rider passe encore un niveau. Pas question de flancher, je garde le pied au plancher. Impossible d'arrêter, une âme prête à trancher. Je nage dans le groupe, au milieu d'MC boiteux. La corde au côté pour faire le grand saut, mais sache-le. J'ai toujours là pour en remettre une couche. La douche froide qui te glace et te laisse sur la touche. Je voulais dans un aïeur, ta clicou comme le Titanic. Tu pensais faire un riche, j't'ai noyé dans ma faute épique. Y'a tu connais le traitement. Bang, bang, prends ta leçon, serre les dents.